ou bordasse. T'as oublié ta calculette. Tu essaies de tabasse et t'enfonces dans l'oubliette. Tu prends l'apéro à 19h, tu essaies à 18h30. Pas de temps à perdre avec les fiantes. Tu essaies ta peur, ta condamne et ta terreur. Bordasse arrive et mate, tu le squamates. Il explose le ventile dans ta véranda. Des débris, des venins, quand QSM se maquille. Anaconda observe Bordas et ses chiffres. Coquenard, il réserve son avis immersif. Anaconda tourne autour de Bordas comme des motards autour d'un chaperon naïf. One point! Bordas ressurgit et marque son territoire, terrasse la véranda. L'architoxienne condamnée décémine sa semence malsaine. Représente des enflées, la peste et QSM. QSM tabasse, pas son force. QSM n'a que faire de Bordas, le fœtus qui se prend pour un molosse. Anaconda s'agite, Bordas lutte. Bordas flippe et QSM marque deux fois. Bordas est là, toujours là, foudroie l'anaconda. QSM met à terre, pleure sa mère. QSM est vénère, se resserre, croupit tout petit dans sa mare de vomi. Bordas, trois fois. Bordas se pichonne dans la véranda en t-shirt moulant. Les mecs, t'oublies ton tutu puant. QSM t'envoie dans l'espace, un coup d'arpège transcendant. QSM marque son dernier point. Égalité entre les deux champions. Égalité entre les deux champions. L'Anaconda vibre, la véranda, l'Anaconda, QSM et Bordas, QSM, Bordas, QSM, Bordas, QSM, Bordas, QSM, Bordas, QSM, Bordas, Bordas, QSM. Il était une fois un reptile enfumé, vicieux, qui prit pour demeure la véranda et adopte ce que la musique faisait de mieux. Pourquoi, après avoir admiré QSM, l'Anaconda a pris entre ses anneaux un autre esprit, une autre entité, amoureux des chiffres et adepte des pourcentages, nommé Bordas. Après ces années croches nécessaires, QSM, QSM et Bordas font la paire. Pas temps de diverger quand tous les pouces à s'apprécier. Même l'Anaconda est séduit. Bordas est le défi. Le défi que QSM se pose, celui de relever la prose. Bordas, Bordas aime les chiffres, comme QSM aime les riffs. Bordas, jeune et naïf, et le fils que QSM aurait voulu avoir.